Tu voulais du rap de punk? T'as les tuffers qui vont avec. Pour MySpace, les neurones en HP, où c'est? Est-ce que quelqu'un peut rebrancher le docteur Zorgel? Je crois qu'ils sont encore endormis. Les neurones en HP. Bienvenue sur MySpace, c'est les neurones en HP. Yo, on tape le freestyle, histoire de se présenter. Tu nous connais pas, t'as jamais entendu parler de nous. C'est normal, on est en marche, paraît qu'on fait du rap de fou. Le milieu rap est tout bouché, c'est la nouvelle variété. C'est toujours la même rengaine, ça a foutu de représenter. On n'est pas concerné, on joue dans différentes sphères. Tant qu'il y a un mur de son, de la bière et des gens ouverts. On fait des concerts partout, surtout dans les free parties. Le samedi soir, dans les bois, pas dans les boîtes VIP. On fait trembler les subs, les gens restent ébahis. Ils nous prennent pour E.T. en 5 minutes, c'est la folie. Bref, faut que tu viennes nous voir, ou au moins tu nous soutiennes. 100% indépendant, mate la page du site officiel. DJ Wally, SLJ le beatmaker, Steve, les neurones en HP, c'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Les neurones en HP, c'est frais. Les neurones en HP, où c'est? Oups, téléchargement immédiat. Maintenant tu sais, Je m'en téléchargement immédiat. Je télécharge souvent par devant, par derrière ou quoi. Je me décharge de toute responsabilité. Interdit ou pas, c'est pas à moi de décider. À l'Assemblée Nationale, ils parlent de licence globale. Tu parles au lycée, c'est comme pisser dans un bocal. Avec mon RMI, j'ai même pas 10 balles à balancer tous les mois en intramental. Je préfère faire la paire avec un instrumental taillé sur mesure comme un gilet pare-balles. Antilibéraliste et trou dans les mentales. Viens pas me faire un fromage, c'est pas bon pour le mental. Algorithme effréné, il me faut une journée pour télécharger ton meilleur DVD. Débordé par le choix qui chaque fois s'offre à moi. Je vois pas pourquoi j'hésiterai plus que toi. Qui sait? Docteur Zorgel pour les neurones en HP. C'est frais. 2006. Les neurones en HP. Bruxelles. Whoop. Téléchargement immédiat. Maintenant tu sais, c'est. Il paraît que le téléchargement c'est interdit. Comment je vais faire pour m'envoler en guise de thérapie? La musique chez moi c'est comme une maladie. À un euro par titre, j'ai pas encore fini de m'envoyer en l'air pour les îles Fidji. J'en ai marre de me faire, c'est pas une vie. Encore en vie, j'ai encore envie de me faire des amis, de télécharger leur musique sans hic et sans souci. Avec 6 sous en poche, je vais pas rater le coche. Trouver une nouveauté c'est comme une quinte floche. Ça sort pas souvent et ça remplit les poches. De là à ce qu'elle soit pleine, je tente une approche. Au plus proche de mes talents biqués préférés. La kickette, ma biquette, c'est ce que t'as préféré. Tant pis pour la branlette, il était temps d'arrêter. Dis bonjour à mes zigounettes, bye bye les télétobies. Qui sait? Les neurones en HP. C'est frais. Les neurones en HP. Où c'est? Oups, téléchargement immédiat. Maintenant tu sais, c'est. À tous les internautes. Tous nos amis de MySpace. C'est clair, SLJ déchire. Gloire à SLJ.